En ce moment, Marius ouvrit lentement les paupières et son regard s'arrêta sur M. Gillenormand. Marius! S'cria le vieillard. Marius, mon petit Marius, mon enfant, mon fils bien-aimé, tu ouvres les yeux, tu me regardes, tu es vivant. Merci. Il tomba évanoui. Javert s'était éloigné à pas lents de la rue de l'Homme armé. Il souffrait affreusement. Sa situation était inexprimable. Ce qu'il venait de faire lui donnait le frisson. À côté de Jean Valjean grandi, il se voyait, lui, Javert, dégradé. Un forçat était son bienfaiteur. Il regagna le quai. L'obscurité était complète. Les pluies avaient grossi la rivière. Javert demeura quelques minutes immobile. L'eau bruissait. Un moment après, une figure haute et noire se courba vers la Seine et tomba droite dans les ténèbres. Il y eut un clapotement sourd, et l'ombre seule fut dans le secret des convulsions de cette forme obscure, disparue sous l'eau.